chronique BD. Les amateurs de Bret Stephens. Alors Bret Stephens, c'est un personnage assez particulier. Ça a été un auteur de bande dessinée qui a été découvert il y a à peu près une dizaine d'années. C'est un auteur belge qui, à 25 ans, a envoyé complètement valdinguer les codes habituels de la bande dessinée telle qu'on les concevait aujourd'hui. Alors il a fait ça comment ? Ben il a fait ça avec de l'aquarelle, beaucoup de couleurs, un style très naïf mais qui permet de raconter des histoires parfois assez sombres, assez un peu violentes, sous-jacentes, très très adultes. Mais très très agréable à lire et de façon très colorée avec une mise en scène. Il faut avoir lu ça, c'est assez impressionnant et bah depuis en école d'art, il y a beaucoup de personnes qui le citent comme référence parce qu'à 26 ans, le personnage a réussi à changer complètement la façon dont d'habitude on percevait une BD. Enfin voilà, Bret Stephens il s'appelle, c'est un auteur flamand. Alors du coup la BD de lui dont je vais parler, c'est une bande dessinée qui s'appelle Les Amateurs. Qu'est-ce que ça raconte ? Alors c'est l'histoire d'un artiste qui est un artiste un peu en vue, un peu urbain, qui s'appelle Pieterian, quelque chose comme ça, qui va être invité par hasard, qui se dit bah tiens je vais essayer, qui est invité par une biennale qui s'organise dans un tout petit village dans la campagne flamande. Alors il se dit bah tiens ça va être l'occasion d'aller voir un tout petit peu, en plus il est un peu en manque d'inspiration en ce moment, du coup il va aller voir. Et il se rend compte en arrivant dans le petit village en question que bah c'est pas du tout une biennale telle qu'il a l'habitude de la voir, c'est-à-dire des grands cocktails, tout ça. Non, ça ressemble plus à une sorte de kermesse un peu mal fichue, avec des personnages qui savent pas trop ce qu'ils font là, il n'y a pas vraiment d'autres artistes. Il y a juste le mec qui est chargé d'organiser l'événement, qui n'y connaît absolument rien à l'art contemporain, qui dit « Ah oui, mais ça va être très sympa, on vous fait confiance, vous savez ». Et ce personnage-là va être contraint de gérer toute la petite équipe pour avant la date d'échéance, réussir à tenir une vraie biennale telle qu'il en avait envie. C'est un récit qui est très beau parce que ça questionne le rapport au milieu de l'art tel qu'on le conçoit, et surtout le rapport entre création artistique et utopie. Ça paraît un peu tiré par les cheveux comme ça, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'en général, des moments de création comme ça, c'est des moments qui sont extrêmement importants parce que dans une sorte de dynamique, on est pris dans une sorte de dynamique collective et on essaie de créer quelque chose qui est quelque chose de dérisoire, mais qui pour nous est important, et c'est exactement ce que cette BD raconte, avec toute une galerie de personnages qui vont être assez chacun avec leur travers, parce qu'on est dans un petit bled paumé dans la campagne, du coup il y a un peu le fou du village qui dessine tout le temps des spirales et qui est paranoïaque. Il y a un autre petit personnage qui est un peu éberlué, qui ose jamais vraiment parler, mais qui dessine assez bien. On va suivre tous ces petits personnages avec cet artiste au centre, qui est un peu un artiste un peu perdu, qui va justement essayer de créer quelque chose avec toutes ces personnes-là. C'est un très beau récit, très très bien raconté, avec des dessins d'une qualité exceptionnelle, parce que la qualité c'est uniquement des dessins à l'aquarelle, avec des nuances de couleurs très très vives. Il faut pas se faire avoir par le côté extrêmement coloré et mignon des personnages. Ça raconte des choses humaines. Ça raconte des histoires très humaines. Et c'est d'ailleurs, je recommande, comme toutes les bandes dessinées dont je parle, je recommande toute la bibliographie de l'auteur en général, parce que c'est des auteurs qui sont extrêmement importants dans le paysage de la bande dessinée et qui ont mis en place des choses très intéressantes en termes de narration. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il faut lire. Voilà, donc c'était les amateurs de Bret Stephens, BrechtEvens. Les chroniques BD. Ça s'appelle Asterios Polype. C'est une bande dessinée américaine, sortie début des années dans 2006, je crois, mais si je dis pas de bêtises. Alors c'est une bande dessinée racontée par un auteur qui s'appelle David Mazzucchelli, qui était au départ un dessinateur de comics assez talentueux. Il a travaillé avec de grands auteurs de comics de super-héros, alors il a fait des Daredevil, des choses comme ça. Et puis vers le milieu de sa carrière, il en a eu assez dessiné des super-héros, il a voulu raconter ses histoires à lui. Et il a complètement changé de registre en racontant des histoires, pareil, très très humaines et très très immersif, très très bien raconté. Je me répète, on, je vais raconter la BD comme ça, on saura mieux. Alors, Asterios Polype, qu'est-ce que ça raconte? Alors, au départ, on suit un personnage qui s'appelle du coup Asterios Polype, qui est un monsieur qui a la quarantaine, qui est bien installé dans sa vie et qui est architecte. Sauf que c'est un architecte assez particulier, même l'inverse, un architecte assez commun, ce qu'on appelle des architectes de papier. C'est des architectes qui ont conçu énormément de bâtiments, énormément, mais qui n'ont jamais été construits, qui existent uniquement sur plan. Alors, il a toute une bibliothèque avec ses ouvrages, les bâtiments qu'il a conçus. Sauf qu'un jour, alors qu'il se remet d'une séparation difficile, il y a un petit souci dans son appart, et son appartement new-yorkais brûle. Il est contraint de sortir en 5 minutes en prenant quelques objets qui étaient précieux, et se retrouve à la rue, avec son appart devant lui qui brûle, avec les pompiers qui essaient d'éteindre le feu comme ils peuvent, et il se retrouve à 40 ans passés, à ne pas savoir quoi faire de sa vie, et à se demander où est-ce qu'il va bien pouvoir dormir. Et c'est une très belle histoire, parce que ça... Du coup, en même temps, on va suivre un tout petit peu sa vie dans le présent, alors lui qui essaie de trouver un petit peu un moyen de rebondir, alors il dit, il va falloir que je trouve un travail, parce que maintenant, tout ce qui reste de mon travail passé est parti en cendres. Alors du coup, il faut qu'il essaie de travailler, des choses comme ça, il essaie de trouver un job. Et on va suivre en même temps sa vie d'avant l'incendie, où il rencontre sa femme qui depuis l'a quitté, qui est une femme qui est une artiste contemporaine d'origine asiatique, qui est une sculptrice contemporaine même, je dirais. Et ça va être un très très beau récit, parce que c'est un récit qui va essayer de nous parler de la façon dont notre cerveau, dont notre mental perçoit le monde qui nous entoure. Et c'est très intéressant et c'est très très bien raconté, parce que ça va nous parler de la façon dont quelque part notre mental essaie la façon dont notre mental essaie de percevoir tout ce qui nous vient et la façon dont il va gérer, en fait. Et ça va être l'exploration de différentes personnalités, en fait, des personnages qu'il va croiser au fur et à mesure. Alors, il va croiser plusieurs personnages assez loufoques. Finalement, il va finir par travailler dans un garage, dont le patron a une femme qui est médium et qui raconte qu'il y a des visions cosmiques ou ce genre de choses, où il va croiser un étudiant communiste, plein de personnages comme ça. Et ça va être extrêmement bien raconté, parce que dans le dessin, on n'est pas du tout dans l'esthétique comics telle qu'on l'imagine habituellement. C'est une bande dessinée qui a un trait assez inédit et qui va énormément changer en fonction de quel personnage est représenté. Par exemple, un personnage va être un peu plus un personnage va avoir de l'assurance, du coup il est dessiné de façon très droite. Un autre personnage va être beaucoup plus hésitant, du coup il est dessiné avec plein de petits traits et beaucoup plus flou. Tout un jeu de couleurs aussi, il y a tout un jeu de couleurs avec le rouge et le bleu dans cette BD. Qui se voit d'ailleurs dans le titre, avec une très très belle couverture et une typographie assez intéressante, où il va y avoir une exploration de soi, en fait, dans cette bande dessinée. C'est quelque chose de très très bien à raconter. Du coup, c'était Asterios Polype de David Mazzucchelli. Les chroniques BD. Je vais vous parler de Last Man, une BD, enfin plutôt un manga, écrit par trois auteurs français, donc Balak, Bastien Vivès et Michael Salanville. C'est un manga effectivement à la française, en noir et blanc, qui est édité chez Casterman. Donc les dessins sont plutôt basés sur des lignes rondes et épurées. On voit parfois seules les silhouettes qui sont dessinées. Le visage peut rester flou, caché, donc c'est un très beau dessin. Pour ceux qui ont lu Paulina, ils se rappelleront du dessin de Bastien Vivès. C'est un manga, je disais, en cours. Le premier tome est sorti en 2013 et le dernier tome, le 10, en 2017. L'histoire est assez simple, enfin, en tout cas, elle commence simplement. Donc, nous sommes dans ce qu'on appelle la Vallée des Rois. On est dans un univers féodal, un peu moyenâgeux, gouverné par un couple royal. On rencontre Marianne, une jeune femme et mère d'un petit enfant de 12 ans, Adrien, qui élève seul cet enfant, et on comprend que le père, à un moment, est parti et a laissé Marianne élever seule cet enfant. Donc nous sommes à la veille d'un combat qui est organisé par la famille royale, et puis le pauvre petit Adrien, quelques heures du de la clôture des candidatures, perd son partenaire qui est malade. Et là, le hasard fait que se présente Richard Aldana, un inconnu que personne n'a jamais vu en ville, et qui se propose d'être son partenaire pour combattre ensemble. Donc qui est ce Richard Aldana ? La question est posée, et on va le découvrir au fur et à mesure du récit, au fur et à mesure des tomes. L'histoire qui avait commencé par un combat de boxe avec une compétition et des pouvoirs surnaturels va évoluer tout au long de la série. On jonglera avec des univers totalement différents. Donc on passe de l'univers moyenâgeux, féodal, fantastique avec ses pouvoirs surnaturels à des mondes modernes. On découvre la ville de Paxton et même futuriste dans les derniers tomes de ce manga. Donc c'est un manga plein d'action. Il y a de la bagarre, de la violence, des femmes à forte poitrine. C'est un dessin assez particulier. Mais voilà, pour les connaisseurs, on va dire, il y a des références à des actrices X, comme le prénom de Richard Aldana est en fait fait référence à une actrice qui s'appelle Rachel Aldana. On retrouve aussi, par exemple, le personnage de Tomi Katana qui habite à Paxton, qui fait référence à l'actrice japonaise Hitomi Tanaka. Voilà, donc il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Et puis, le petit plus, à chaque fin d'album, il y a des petites chroniques humoristiques des trois auteurs qui mêlent un peu privé de joke et autodérision. Et c'est très drôle. Voilà, donc c'est un manga qui vraiment se dévore. On peut pas s'arrêter. On a hâte vraiment de savoir la suite. Et puis, donc, pour nous faire patienter, il y a un manga parallèle, on va dire, qui s'appelle Soir de match, qui est sorti en 2018, où les auteurs reprennent l'univers de Last Man et le développent certains personnages qui n'ont pas été bien développés dans l'histoire. Voilà, donc je vous rappelle les références. Donc Last Man est un manga à la française de Balak, Bastien Vivès et Michael Salanville. Donc c'est un manga qui est disponible à la médiathèque de Remiremont. Les chroniques BD, à retrouver tous les vendredis à 8h et à 13h30 sur Radio Gimozo. Le réseau des médiathèques de la Porte des Vosges méridionales, c'est plusieurs sites. Remiremont, Saint-Étienne-les-Remiremont, Saint-Nabor, Vecoux, Éloie et Don Martin-les-Remiremont. Vous pouvez réserver à n'importe quelle médiathèque. La BD arrivera là où vous avez réservé. Et bien sûr, vous pouvez déposer les BD dans n'importe quel site.